pas toujours fait ce qu'il faut. J'ai promis des choses, mais les actes ne suivent pas les mots. Faut m'excuser. Tout soustrait repartir à zéro. Ne me laisse pas devenir l'homme qui n'affronte pas ses défauts. Mais je vais tout assumer. Ne me dis pas qu'il est trop tard pour revenir. Si l'histoire ne te plaît pas, on va changer de vie. Lève la tête, regarde-moi, on va s'en sortir. Dans tes yeux, je peux voir notre avenir. J'arrête pas de regarder le téléphone, de zoomer sur la photo, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à manger, je fais que pleurer. J'ai laissé la petite chez ma mère, je peux plus rien faire. Ouais, je te comprends, j'arrive plus à voir. Arrête de prendre la tête, je te jure, oublie-le, c'est un pauvre type, ça a rien que de prendre la tête. Vite à vite à ta petite fille, maintenant t'as juste. Tu te rends pas compte, c'est le père de ma fille. Je sais. Et je me rends compte que mon intuition était bonne en fait, toutes les fois il me répondait pas, c'est parce qu'il était avec elle. Et encore si c'était des filles comme ça, mais c'est une fille. C'est constant, ça veut dire qu'il soit allé tout le temps, donc il l'a kiffé. Oui, mais c'est pour ça, mais à quoi ça sert de vivre? Mais vis ta vie et t'as ta petite fille, t'as un bébé, d'accord? Faut l'oublier maintenant, faut l'oublier. Stop. Il arrête pas de m'appeler, je sais même pas ce qu'il pourrait, comment il peut avoir l'audace en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire qui me soulagerait en fait? En tout cas, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Il n'y a pas de souci, moi je suis là pour toi. Tu le sais. Tu peux venir à la maison quand tu veux. Tu peux même rester si tu veux tout le temps que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment. T'es gentil. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Te perdre, c'est risquer de tomber de haut. Je ne peux plus voler avec une seule aile dans le dos. C'est peut-être pas la dernière fois que je faute. Mais prendre un mur parfois, je te jure, c'est tout ce qu'il me faut. Ça va pas durer. Laisse-moi faire le premier pas pour revenir. L'histoire ne te plaît pas, on va changer de lit. Lève la tête, regarde-moi, on va s'en sortir. Et dans tes yeux, je peux voir notre avenir. Ça va? Vas-y, excuse-moi s'il te plaît. C'est quoi le problème? Excuse-moi ton délire s'il te plaît. En fait, ma vraie question c'est pourquoi t'as pris cette photo? Comment ça, pourquoi j'ai cette photo? Oui, mais en fait, elle sort d'où la photo? C'est ma meilleure amie. C'est le mec de ma meilleure amie là, avec qui t'es sur la photo. Je suis mort. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à autre chose. Tu vas mettre fin avec lui et très très vite. En fait, on a déjà mis fin. Enfin, il m'a dit que en gros ça allait pas marcher. Mais bref, en fait, c'est pas la question. Ah bah tant mieux, il t'a mis fin avec lui? Il l'a mis fin avec toi? Oui. Et bah maintenant tu fais ta vie, fais sa vie, c'est tout. Non, je suis désolée, non, je peux pas, c'est pas possible. Ah mais parce que tu comptais le reprendre, le récupérer? Bah bien sûr. Ah mais non, tu mets fin avec lui, c'est ma meilleure amie, et tu mets fin avec lui. Il a un enfant avec elle, et stop. Non mais ça j'étais au courant, je sais, ok. Et en plus t'es au courant? En fait là tu vas me prendre pour la peste dans l'histoire, mais écoute, au début j'étais vraiment dans un mood où... On s'en fout. Non mais écoute-moi s'il te plaît, j'ai besoin de m'expliquer. Mais je m'en fous, dans tous les cas. Vas-y, je t'écoute. Ouais, en gros, au début, j'étais vraiment pas dedans. En gros, je me suis dit, ok, je suis dans une relation avec un mec, il a une femme et tout. Je me suis dit, non. Ok. Ah ouais. C'est pas possible. Mais t'as quand même continué avec lui, en fait. Parce que au fur et à mesure, il m'a promis des choses. On a fait beaucoup de choses ensemble, on a voyagé okay, ensemble. Ok, bah c'est bien. Il m'a présenté. On s'en fout. À ce temps-ci, le mec, il est en couple, il a sa femme, il a son enfant, il est en couple, tu l'oublies, fin, c'est tout. Tu mets fin avec lui. Il a mis fin avec toi, bah tant mieux. Oui. Tu continues, c'est tout. Tu fais ta vie, fais sa vie, c'est tout. Non, franchement, écoute, J'ai besoin que tu me comprennes. Tu sais que je suis pas comme ça. Mais j'ai vraiment des sentiments pour cet homme. Eh, chérie, on s'en fout des sentiments. Le mec, il est en couple. Et t'es quel genre de fille, en fait, à sortir avec un mec en couple déjà? Tu l'oublies, en fait, c'est tout. Tu veux dire tout ce que t'as envie de dire. Eh, je m'en fous. Tu mets fin avec lui. Donne-moi une seconde chance. Une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Une seule. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. J'ai pas réussi à dormir. Bon, t'étais où? J'ai un truc à te dire. Écoute-moi. Tu me fais peur. Donc la fille en question, c'est une amie à moi. Justement, j'étais avec elle juste avant là. Je lui ai parlé, on a parlé, on a discuté, on a mis les choses au clair. Attends. Je sais, c'est... Une amie à toi? Oui, c'est une amie à moi. Qui savait qu'on était ensemble? Elle savait pas que... Bah, elle savait pas que t'étais mon amie, mais elle savait, oui, qu'il avait une femme. Mais donc du coup, au moment où j'ai pris la photo, Dadju m'était fin avec elle. Donc ils ne sont plus ensemble. Ouais. D'accord. Je sais, il t'a trompé. Et je suis dans un cauchemar, c'est pas des blagues. Je sais. C'est un truc de fou, il t'a trompé, je le sais. C'est grave. Mais maintenant, voilà, j'ai reçu un message de Dadju. Il aimerait te voir. Là, il a sa séance d'écoute. Il aimerait te faire écouter une chanson. Et il aimerait te parler. Charles. Donc franchement, Liliane, vas-y. Pourquoi? Vas-y, une dernière fois. Et dernière discussion. Dernière. T'auras tes réponses. Dernière discussion. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est le papa de ta fille. Je vais y réfléchir, mais si je le fais, c'est juste pour ma fille. Exactement. Je fais ça. On verra. Sans faille n'existe pas. Oublie tout, laisse ton cœur parler. Oh, yeah, yeah. Tu es tout ce qui compte pour moi. Donc j'ai laissé mon cœur parler. Oh, yeah. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Donne-moi une seule chance. Donne-moi une seconde chance. Non, ça va pas, non. T'as rien à me dire? T'as parlé avec Shirley? Et? En fait, je sais pas quoi te dire. Je suis désolé. Je sais pas quoi me dire. T'es désolé, c'est tout ce que t'as à dire. J'ai fait n'importe quoi. T'as fait n'importe quoi, ouais. Ouais, t'as fait n'importe quoi. Je sais pas quoi dire. Donc toutes les fois où tu me disais que j'étais parano, en fait, c'était... Mon intuition, elle était bonne, Dadju. Tu m'as trompée. Et sur du long terme, avec une fille. Ouais. Ouais. Que tu voyais souvent, en plus. Tu m'as même pas trompée avec une fille comme ça, tu me trompais avec une fille constamment, en fait. Pendant que j'étais là à m'occuper de notre fille à la maison, que tu répondais pas à mes appels, que t'étais tout le temps soi-disant en studio, en fait... C'était ça, t'étais avec elle. Je suis désolé, Lily. Tu penses que je me suis mariée pour ça? Je sais. Non, me touche pas. C'est même pas qu'à moi que t'as fait ça, c'est à ta fille et moi, Dadju. Et tu penses qu'elle va me regarder comment, ta maîtresse, demain quand elle va me croiser dans la rue? Elle va pas te regarder. Dadjo, arrête. Elle va pas te regarder. Et arrête de penser à ça, en fait. Passe. Et qu'est-ce qui me dit que tu me tromperas pas demain encore? Et c'est tellement facile comment je viens et que tu dis, ouais, je suis désolée, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais Liliane, tu veux que je te dise quoi, en fait? Là, à part essayer de me refaire confiance. Essayer de te refaire confiance. Je vais te montrer, en fait. Non. Non, non, arrête. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Je suis désolée, je sais plus.